Mais jusqu'à quand ça va durer? Dis-nous jusqu'à quand? Combien d'années vont-ils me faire endurer? Pense-t-il vraiment que je vais gober? Penses-tu vraiment que j'aurai assez de temps pour me caler? Assez de temps pour tout construire, fonder une famille, avoir un avenir? Comment t'en rendre là où il est, qu'il soit fier de moi? Assez de temps pour remplir mes valises pour l'au-delà. Assez de temps pour offrir mon commerce à Tuniani. Assez de temps de dire à Dalani, viens on se part d'ici, j'ai pas chez nous frère. On n'est pas des esclaves, nous place pas plus bas que terre. Seule la mort nous fera taire. Assez de temps de dire à ma famille combien je vous aime. Mon rêve serait de partir avec la daronne à la Mecque. Mon rêve serait d'apporter le bonheur à mes sœurs jumelles. Sans oublier que nos œuvres restent éternelles. Aura-t-on assez le temps de mourir musulmane? Le temps de nourrir nos foies même quand le ventre est vide. Assez le temps de tout dire à nos familles qui eux toujours là, même enfermés par la famine. Marre mal de vivre dans la cermie. Si l'argent c'est le temps nous détendre, c'est mal nous connaître. Mec, même les deux pieds dans le vide, tout est permis. Et si l'argent nous tente, comprend qu'on peut se permettre. Aura-t-on assez le temps de se prosterner? Le chétan veut nous berner à mort, veut nous charmer. Tu sais qu'ici pas les SNET, faut ramasser. Toujours un S, mec, la vérité, je suis déboussolé. Un pied dans la mosquée, un autre mal embarqué. Mon âme va déférer devant l'unique, que vais-je raconter? Les pertes de temps à se noyer et à s'enfumer. La vérité, frère, je suis pas trop prêt à le rencontrer. On fait des efforts, encore et encore. Quand le chétan est mort, c'est mon nerf qui l'emporte. Aura-t-on assez le temps de forger ce bout de chair? S'éloigner de l'enfer, de cette vie mensongère. Aura-t-on assez le temps d'effacer nos erreurs? La peur de la tombe me fout les larmes et le cafard. On navigue trop souvent entre Dounia et Din. Les derniers signes sont présents, faudrait bien qu'on s'incline. Aura-t-on assez le temps de mourir musulmane? Le temps de nourrir nos foies même quand le ventre est vide. Assez le temps de tout dire à nos familles qui eux toujours là, même enfermés par la famine. Marre mal de vivre dans la cermie. Si l'argent c'est le temps nous détendre, c'est mal nous connaître. Mec, même les deux pieds dans le vide, tout est permis. Et si l'argent nous tente, comprend qu'on peut se permettre. Mon frère, je m'adapterai jamais au son, parce que c'est le son qui doit s'adapter à moi de toute façon. Je rappe à ma manière, chacun brandit sa bannière. Discret rap dans l'ombre, on espère être dans la lumière. Est-ce qu'on a assez de temps pour se parer de cette galère? Je veux plus vivre du chômage, je veux avoir un vrai salaire. Vivre de ma passion sans avoir l'effet salaire. Nique sa mère, personne choisit d'être dans la merde. En temps de crise, tu te gênes pas d'exposer tes billets, de parler comme billets violés. En temps de crise, t'étonnes pas si des chiens te séquestrent pour la rançon, pour ensuite te violer. Ultra sévère, parfois je peux être très vulgaire. Parce qu'on m'a toujours dit que pour avoir la paix, fallait préparer la guerre. Est-ce que j'aurai assez de temps de réaliser tous mes rêves avant de quitter cette terre? Aura-t-on assez le temps de mourir musulmane? Le temps de nourrir nos foies même quand le ventre est vide. Assez le temps de tout dire à nos familles qui eux toujours là, même enfermés par la famine. Marre mal de vivre dans la cermie. Si l'argent c'est le temps nous détendre, c'est mal nous connaître. Mec, même les deux pieds dans le vide, tout est permis. Et si l'argent nous tente, comprend qu'on peut se permettre. On peut se permettre, tout est permis. L'argent c'est le temps nous détendre, c'est mal nous connaître. Discret salienté.